temps du moins. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Bonne journée et à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'école communale numéro 9 à Molenbeek-Saint-Jean, en région bruxelloise. L'école communale numéro 9 a été évacuée vers 10h suite à une alerte à la bombe. Un appel anonyme est arrivé à la direction de l'école pour signaler la présence d'explosifs dans l'enceinte de l'école située rue Gulden-Bodem et aux alentours. Décision a été prise de faire évacuer les enfants de la crèche, des primaires et des maternelles. Plusieurs centaines de bambins et d'enfants sont concernés. Ils ont été transférés dans le parc Marie-Josée. La police locale et fédérale est sur place. Un chien spécialisé dans la détection d'explosifs balaye l'enceinte. La police ne veut prendre aucun risque face à cette alerte à la bombe. Pas de déclaration de politique générale à la Chambre cet après-midi. Les négociations budgétaires et sur les réformes du fédéral sont dans l'impasse depuis hier soir. Le vice-premier ministre Chris Peeters a claqué la porte et n'est plus revenu. Le CDNV souhaite que soit prise en compte son idée de taxation des plus-values d'actions. Ce matin, le premier ministre Charles Michel consulte à nouveau ses vice-premiers. Toute la question est de savoir quand les discussions reprendront avec tout le monde à la table. Quoi qu'il en soit, déclaration ou pas, l'opposition réclame la présence du Premier ministre cet après-midi à la Chambre afin qu'il donne des explications sur ce qu'elle appelle une crise qui secoue le gouvernement. Pour le PS, il s'agit d'une véritable crise avec un gouvernement sans budget, sans déclaration. Le Parti socialiste se dit particulièrement inquiet par ailleurs au sujet des nouvelles mesures d'austérité, dont 900 millions d'euros de nouvelles économies dans les soins de santé. Les conservateurs allemands à leur plus bas historique. Pour la première fois, ils se situent sous les 30% d'intention de vote, selon un sondage publié ce mardi par le Bild. À moins d'un an des législatives, l'alliance CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel perd un demi-point à 29,5%. Le parti social-démocrate, le SPD, est à 22% et le parti anti-immigré, l'AFD, est stable à 15%. Même si la cote de la chancelière est remontée ces derniers mois, Angela Merkel et son parti continuent de payer leur politique d'ouverture aux migrants. Un mot de tennis, David Goffin vient de se qualifier il y a quelques minutes pour le deuxième tour du tournoi de Shanghai en Chine. Victoire en 3-7, 4-6, 6-3, 7-5 en 2h18 de jeu face à un adversaire costaud, l'Argentin Juan Martín Del Potro qui bénéficiait d'une wild card. La météo pour ce mardi, la grisaille matinale est tenace par endroits. Ce matin, elle devrait se dissiper et laisser place à des éclaircies. 8 à 13 degrés pour le début de l'après-midi. Les nuages devraient revenir par l'est du pays en fin d'après-midi. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, c'est assez calme sur le réseau. C'est vrai, on n'a plus qu'un souci qui est signalé, c'est dans le centre-ville de Bruxelles, rue du Trône, en direction du centre, vous perdez encore une trentaine de minutes. Et puis ça ralentit encore quelque peu pour accéder à Bruxelles, mais assez timidement, on va dire, sur le 411 qui vient de Namur, défile depuis Jésus-Seïc encore. Circulation ralentie aussi sur le 19 venant d'Anvers à partir de Petit. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h03 sur Vivacité, toute l'équipe est là. Sébastien Nolvaux, on n'est pas des pigeons. Merci David, retour de l'info à midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Oh là, vous m'avez l'air en forme. Oui, super. Tous les jours. Ça fait plaisir. Annie, vous êtes venue en mobylette sans casque, vous avez tous les cheveux en l'air. Oui. Je crois que j'ai oublié d'aller chez le coiffeur. C'est plutôt ça. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur pour aider Laurent qui voulait aller au spectacle de Muriel Robin et de Michel Larocque. Oui. Mais il y a eu un petit pépin. Il y a un petit pépin parce que finalement le spectacle c'est demain, mais il est annulé. Alors il y a un spectacle reporté, mais avec d'autres artistes. Enfin bref, c'est compliqué. Je croyais avoir faire face à un problème simple, mais je peux vous dire que c'est un chouïa compliqué. Ça va vous occuper pendant quelques quelques minutes cette histoire. Dans le journal de la conso, on parlera du Galaxy Note 7. Bah, qu'il vaut mieux ne pas utiliser. Hein, c'est un téléphone, hein, on rappelle feu, que c'est voilà, un téléphone. Voilà, c'est ça. C'est un téléphone qui ressemble presque à une tablette, hein, puisqu'il est très grand. Mais qui prend feu tout seul. Mais il prend feu, la batterie explose. Bref, Samsung a décidé d'arrêter de le vendre et recommande de ne pas l'utiliser. Ouais, mais si l'argument commercial était acheter notre truc, vous verrez, c'est de la bombe. En même temps, ils sont. C'est ça, ils sont dans le bon, ouais. L'Espagne est actuellement secouée par un scandale qu'on a déjà surnommé la Paella Gate. Paella Gate, Isabelle. Et oui, certains parlent même carrément d'un attentat culinaire. Tout ça parce que Jamie Oliver, vous connaissez le cuistot anglais, hein. Voilà, il a osé dire qu'il mettait un ingrédient dans sa paella et les Espagnols sont choqués. D'accord. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est la question du jour sur la paella. Ben oui, justement, on vous demande si on peut mettre cet ingrédient mystère dans la paella. Si vous tenez à une recette bien particulière, si vous défendez les recettes, qu'elles soient belges ou autres, et Hugues nous répond déjà, à moins d'avoir une confrérie ou un truc du genre qui se serait arrogé le droit de détenir la recette authentique d'un plat, je suis certain que des vraies recettes d'un même plat, il y en a en réalité des milliers. J'ai un jour mangé une paella ardennaise, je vous expliquerai la recette tout à l'heure, c'était très très très très bon. Et puis comme il fait froid aujourd'hui, Hubert, on va mettre une petite bûche dans la cheminée. Absolument, je vais parler du bois de chauffage, l'appel de la forêt. Oh là là là, dites donc, avec ça le brame du cerf. Avec le brame du cerf. On est d'accord, vous nous donnez les recettes de votre paella sur la page Facebook, on vous lit tout à l'heure et en attendant, il y aura aussi de la musique avec Lady Gaga par exemple. Et côté souvenir, il y aura Renaud. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Vous écoutez Vivacité, ça on n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Calogero, j'ai le droit aussi sur Vivacité. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, on vous parlait des magasins qui proposent des produits locaux. Pour Patricia, c'est une chouette idée et elle a décidé de nous le dire sur Facebook. Oui, elle nous écrit, ce sont des produits que nos politiciens devraient mettre dans le fameux panier de la ménagère. Au lieu d'y mettre des tomates en boîte venant de Chine ou des produits en solde, cela ferait augmenter nos revenus et nous permettrait d'acheter local. Il y a pas mal de réactions aussi sur un autre sujet, celui des cercueils écologiques. On en a parlé, on a vu les belles images en télé. Oui, avec des cercueils en carton notamment. Et ouais. Alors Corinne, elle nous écrit « Génial le cercueil en carton, j'en veux un premier prix pour être incinéré, on peut l'acheter de son vivant. » Bah oui, si vous avez un peu pas de place raison, chez vous. En plus, si ça ne doit pas prendre beaucoup de place. Mais ce qui est génial, c'est que si tu fais un déménagement, t'en profites aussi pour foutre tes bouquins dedans. Et puis, double emploi. Ouais. On ne le met pas dans son salon non plus. Hein. Bon, dans le garage, dans le buanderie. Il est plié, il y a des pliages. On a vu l'intérieur, il y avait une petite couverture qui avait l'air assez sympa. Un peu chaude. Mais justement, les longues soirées d'hiver devant la télé, exact, ça peut... on peut y penser. Mais est-ce que vous savez qu'au Canada, on peut louer des cercueils? Ouais. Justement pour l'incinération ou pour la cérémonie, on loue un très très beau cercueil dans lequel on met une sorte de cercueil en carton, celui qu'on va enterrer ou brûler, et puis alors quand la cérémonie est terminée, on récupère comme on voit dans les films, le cercueil qui s'ouvre en deux avec le couvercle, les cercueils américains. Bien. Autre réaction. Dominique, sur le même sujet, je voudrais partager avec vous un endroit à Fleurus, au bois de Soleilmont, les arbres du souvenir. Pour celui qui veut reposer au milieu de la nature, une solution pas nécessairement plus chère que les solutions classiques, c'est l'endroit que j'ai choisi, j'y rejoindrai ceux que j'aime. C'est vrai qu'on vous en avait déjà parlé, notamment dans un journal de la Conso, où vous pouvez, Oui, et c'est pas dans ce bois-là qu'on va aller chercher les bûches pour faire le bois de chauffage. Non, mais je vous signale que dans ce bois-là, il y a un couvent de bonnes sœurs excellent, qui vont pas les sœurs, mais le pain et les souvenirs qu'elles font, c'est excellent. Et puis on va courir dans les bois de Soleilmont. Et c'est génial. On parle de cercueil et on finit par parler des bonnes sœurs qui font du pain dans le bois de Soleilmont. À mon avis, elles ne font pas que du pain. Qu'elles feraient pas de la bière aussi, non? On a reçu aussi des commentaires au sujet de la cire de bougie. Alors c'est un truc que Raphaël nous a donné. On a vu ça. Non, alors c'est mieux que ça. C'est vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous avez vu une vidéo passer. Vous nous avez mis au défi. En gros, c'est pour imperméabiliser des chaussures, au lieu de mettre le spray qu'on connaît, il suffit de frotter une bougie. La cire de la bougie sur la toile, on fait sécher au sèche-cheveux, et après, c'est imperméable. Oui, mais... Alors Olivier, présente le truc déjà, on se dit aïe. Mais Olivier nous dit, c'est logique que la cire imperméabilise bien, mais le problème, si les chaussures ont plusieurs composants, par exemple du Gore-Tex, le côté respirant disparaît. Ah, ça c'est pas faux. Bah, sauf que le Gore-Tex, enfin je pense que c'est déjà imperméabilisé. C'est déjà prévu pour. Voilà. Oui, je pense. Et puis Andrei nous dit un truc aussi, pourquoi ne pas faire fondre la bougie ou de la paraffine sur une plaque électrique et ensuite l'appliquer au pinceau, ce serait bien plus facile et on pourrait atteindre de cette manière tous les endroits. Mais pourquoi pas continuer à envoyer des trucs et astuces sur la page Facebook. Il y a Amir qui arrive après la pause et puis on téléphonera à Laurent. Laurent qui voulait aller demain au spectacle de Muriel Robin et de Michel Larocque. Mais il ne va pas y aller, surtout qu'il n'y est pas. Mais est-ce qu'il pourra récupérer ses sous? Ça, c'est une autre histoire. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. 1984, Vincent Dubuisson décide de conquérir les États-Unis. Mais un puissant brasseur américain refuse qu'une bière nommée Bûche s'installe sur son territoire. Deal américain, j'ai peu de moyens, mais je me laisserai pas faire. Ok, Vince. Enfin stratège, Vincent rebaptise donc sa bière Scaldis pour les États-Unis. Il déjoue ainsi l'offensive du géant et gagne le cœur des Américains. Une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche. On sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Ce mercredi dès 17h, Cyril reçoit un chanteur qui a assis sa réputation en couchant sur papier les paroles d'un homme debout. Claudio Capeo, cet Alsacien de 31 ans, repéré dans l'émission The Voice en France, est l'auteur d'un des tubes de cette rentrée. Il sera bientôt sur scène en Belgique, mais avant cela, il passe nous rendre visite dans le 5 à 7 de Vivacité. Regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. C'est le nouveau, le titre, c'est On dirait. Faire le vide en toi, il faut, si tu veux découvrir les vrais responsables de ce complot. Alors là, ça va être chaud boulette pour trouver les vrais responsables. Ah, ça, compliqué. Annie se marre déjà. Il est 11h18 sur Vivacité, on accueille Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour tout le monde. Laurent, vous avez acheté des places pour le spectacle de Muriel Robin et de Michel Larocque. Ce spectacle doit avoir lieu le 12 octobre, c'est-à-dire demain, mais le spectacle a été annulé. Vous demandez donc logiquement le remboursement des billets, et là, ça coince. Exactement. Donc c'était effectivement demain. C'est le spectacle Ils s'aiment depuis 20 ans, donc le best-of de Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se réaiment, joué par Michel Larocque et Pierre Palmade. Sauf que la version que j'avais achetée, c'était la version Muriel Robin et Michel Larocque. Mmh. Donc après l'annulation du spectacle de demain, Sherpa, qui m'a vendu les places, me propose une nouvelle date, le 18 décembre, mais dans la version Pierre Palmade, Michel Larocque. Donc, il n'est plus du tout la version initiale pour laquelle j'avais acheté les places. Vous vouliez voir Muriel Robin, quoi, en gros. Ben voilà, parce qu'en plus, je suis allé voir son dernier One Woman Show il y a 2 ans, je pense, à Bruxelles. Et c'était juste génial. Donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion d'aller la retrouver sur scène dans un spectacle que j'adore. Mais pas la version en Palma de la Rock. Et donc, là, vous faites valoir cet argument et on vous répond quoi ? Ben, on me répond que... Donc déjà, quand on m'a proposé de nouvelles places, c'était bien noté... impossibilité de remboursement. Donc, je me renseigne quand même sur les conditions générales de vente de Sherpa. Et là, il est bien indiqué que l'acheteur a le droit soit d'accepter la nouvelle date, soit de demander le remboursement des places. Et quand j'ai demandé à Sherpa de me montrer où il était inscrit qu'on ne pouvait pas être remboursé, là, je n'ai jamais eu de réponse. On m'a indiqué que je devais m'adresser à l'organisateur de spectacle qui a fait faillite et c'est pour cela que le spectacle a été annulé demain en fait. Bon, Annie s'est un peu penchée sur ce dossier et elle nous l'a dit déjà d'emblée en commençant cette émission, c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'on a bien compris qu'il y a un spectacle produit par des sociétés, on vous parle de faillite, donc ça veut dire qu'il y a des curateurs et d'un autre côté une billetterie qui est vendue par Sherpa Ticketmaster. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs interlocuteurs. Je crois qu'on va avoir quelqu'un de Ticketmaster en ligne, c'est ça ? On voilà. a quelqu'un de chez Alors, Ticketmaster en ligne. Sur la faillite, proprement dit quand même, parce qu'il faut donner un mot d'explication, la société qui organise le spectacle ici, Robin Larocque, c'est Sea Live qui se trouve au Luxembourg. Oui. Cette société a été déclarée en faillite au mois d'août. Oui. Et vous savez que c'était M. De Fourny avait une autre société en faillite en Belgique à Liège, qui est également en faillite. Et donc, dans les échanges de mails qu'on adresse à Laurent, parce que Laurent, vous me les avez transférés, on dit simplement à Laurent, ben, adressez-vous aux avocats, aux curateurs, à Luxembourg. Ce que moi j'ai fait. Et donc, un des curateurs que j'ai eu en ligne m'a envoyé tous les documents qu'il va envoyer à tous ceux qui, comme vous, ont acheté des places et demandent le remboursement. Alors, en clair, faillite du mois... Donc, on parle de Sea Live Production au Luxembourg. Hein. Mm-hmm. 9 août 2016, énormément de dettes, on ne rentre pas dans les détails. Concernant l'organisation des spectacles et des concerts, cette organisation pouvait être prise par qui de droit après le 9 août, ce qui pour la plupart des événements semble être le cas du curateur, mais il ne sait pas qui a repris l'organisation du spectacle, okay. Robin. Voilà, donc c'est déjà un peu flou. Il précise qu'il n'est pas à l'initiative du report ou de l'annulation des concerts, c'est bon à savoir, parce que les gens téléphonent en disant ben, « remboursez-moi ». Alors, comme il y a énormément de dettes, vous avez bien compris qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs dans la société, et que de toute façon, même s'il y avait de l'actif, il y a des créanciers privilégiés, ce qui n'est pas le cas des consommateurs. Et donc, il m'a envoyé un mail avec toutes les informations que je vous transférerai, Laurent. On a des gens en ligne. D'accord. Oui, on a quelqu'un de Ticketmaster. Bonjour, quelqu'un de Ticketmaster. Bonjour. Bonjour, Peter Krawinkel de Ticketmaster. Enchanté, oui. Sébastien Olvaux de Vivacité. Annie. Oui, bonjour. Dites, vous êtes au courant forcément de l'annulation du report du spectacle. Et donc ici, Laurent, il ne veut pas aller voir le spectacle qui a été reporté au 18 décembre. Pourquoi ? Parce que les artistes ne sont pas les mêmes. Est-ce que, dans ce cas-là, on ne peut pas rembourser le spectacle ? En fait, les remboursements sont à l'initiative de l'organisateur et c'est pour ça que nous avons renvoyé ce consommateur vers l'organisateur, oui, qui est malheureusement aujourd'hui un curateur. Oui. D'accord, mais le curateur, il dit « moi, je ne peux pas rembourser les gens et ce n'est pas moi qui ai vendu des billets en sachant peut-être que la société est en difficulté. C'est Sherpa. » Oui, c'est le curateur aussi qui dit que... Il annule pas les événements, mais moi je doute que demain il y a un concert ou un spectacle à Forêt Nationale produit par Sea Live, vu que la société est en faillite. D'accord, mais il dit aussi qu'après la déclaration de faillite, donc la date c'est le 9 août, toutes les activités de la société, donc Sea Live, pouvaient être reprises par quelqu'un. Alors qu'est-ce qui organise alors le spectacle qui a lieu le 18 décembre ? L'organisateur a déjà encaissé les recettes des billets. Donc, la personne qui reprend doit inviter à sa charge les personnes qui ont précédemment acheté un ticket. Et c'est ce qui se passe, en fait, sur la date du 18 décembre. Donc, c'est en quelque sorte un événement repris d'une certaine façon, ou une nouvelle date, on peut le voir comme on le veut. Cet organisateur s'est dit « Ok, moi, je veux bien inviter les personnes qui avaient des places pour les concerts qui, vraisemblablement, n'auront pas lieu en raison de la faillite de Sea Live. » D'accord, mais ici, est-ce que Sherpa ou Ticketmaster a vendu des billets peu de temps avant la faillite et en sachant peut-être qu'il y avait des difficultés, parce que les difficultés, on en parle depuis un certain temps. Non. Donc nous, on n'a pas vendu de tickets, sachant qu'il y avait des difficultés. Bon. Des difficultés, M. De Fourny a eu des difficultés par le passé, mais ces dernières années, il n'y avait rien de particulier à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire que Laurent, ici, qui a acheté plusieurs places et qui ne veut pas aller voir le spectacle, et on peut le comprendre. Mais en même temps, il n'a pas acheté pour aller voir Muriel Larocque et Pierre Palmade. Il a acheté pour voir Muriel Robin. La date ne convient pas non plus. Non, mais c'est ça. Mais même, t'achètes une voiture rouge, t'enfiles une bleue, c'est pas... Voilà, c'est ça. En fait, il y a un élément essentiel du contrat, parce que, vous savez, quand on achète un billet, on signe quand même un contrat avec l'organisateur via la billetterie. Il y a un des éléments essentiels du contrat qui n'existe pas. Dans ce cas-là, quand même, il y a un remboursement. À partir du moment où le curateur dit c'est pas moi, adressez-vous à la billetterie et vous dites malheureusement c'est le curateur. Le curateur n'est pas un organisateur d'événements, c'est un avocat qui va regarder l'argent qu'il peut encore encaisser à gauche à droite, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, ce curateur a déjà encaissé le prix des tickets du consommateur qui ne souhaite plus aller à cet événement. Donc c'est lui qui peut rembourser. Nous n'avons pas cet argent. Ok, donc là... Ah bah écoutez, le curateur qui est à l'audience maintenant au Luxembourg m'a demandé de lui envoyer le lien pour écouter toute l'émission. À mon avis, il va reprendre contact avec vous. Hein, parce que... Bon. Ah ben, j'aimerais bien, parce que moi, il contacte tout le monde sauf nous. Donc c'est un petit peu curieux aussi, effectivement. On a compris que ça allait être très compliqué, mais on le savait à l'avance. Merci, monsieur Ticketmaster. Laurent, bon... Donc, nous, on a tout fait. Donc voilà, juste à préciser que nous, on a vraiment fait tout ensemble avec les autres organisateurs actifs en Belgique pour contenter ces personnes qui sont impactées par ces événements en faillite par ces lives. Bon, Laurent... Oui, mais attendez, quand même, il n'y a pas 50 000 spectateurs qui veulent demander le remboursement parce qu'il y a une modification des artistes. Est-ce que dans des cas comme ça, circonstances exceptionnelles, on ne peut pas faire un geste entre guillemets exceptionnel et on rembourse? Ben, nous, l'argent, on ne l'a plus. Il est chez le curateur qu'on n'a toujours pas rencontré. Donc voyons comment cela se déroule. Ok, d'accord. Tout le monde campe sur ses positions. Nous n'aurons rien aujourd'hui, en tout cas. Le spectacle a lieu demain. Laurent, ben voilà, si vous voulez revoir votre argent, ça va être un peu compliqué. Sinon, il faudra aller voir Pierre Palmade à la place de Muriel Robin. Mais c'est vrai que c'est étonnant, cette histoire, parce que quelque part, le contrat a été rompu à partir du moment où la tête d'affiche change. Voilà. Donc ça ne devrait pas... Mais comme il y a des faillites, qu'il y en a deux en plus avec des sociétés différentes, c'est... On vous l'avait dit, c'est un peu compliqué. Ils vont se mettre en contact d'eux, puis si vous avez des nouvelles de votre côté, Laurent, vous nous tenez au courant. On ne peut pas aller malheureusement plus loin dans cette histoire. Par contre, plus loin, on doit le faire parce que le temps passe. C'est Alain Souchon qui arrive après la pause. La 2 en télé. Qu'est-ce que je fais là? Vous vous déplacez toujours plus à droite. Eh ben voilà, je fais Charles Michel. Retrouvez l'équipe du Grand Cactus ce jeudi soir sur la 2. Stop! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve! Profitez-en! Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Sortez votre appareil photo ou votre smartphone et faites-nous voyager. Métro Photo Challenge, le plus grand concours international de photographie est de retour. Partagez vos plus beaux clichés de voyage et tentez votre chance de gagner une expédition exceptionnelle sur l'île de Pâques et de super prix. Prêt pour relever le Métro Photo Challenge? Surfez vite sur metrotime.be et participez jusqu'au 25 novembre. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne, sur Vivacité et le titre Et si en plus il n'y a personne. S'il n'y a personne du côté de Pérec, ce serait fâcheux. Caroline Gillet, est-ce que vous êtes là pour un état des lieux de la route? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, c'est assez calme sur l'ensemble du réseau routier, excepté dans le centre de Bruxelles, rue du Trône, vers le centre, puisque vous perdez une trentaine de minutes. On ne connaît pas réellement la cause. Si vous la connaissez, vous n'hésitez pas à nous appeler. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h32, place au journal de la conso. Dans la presse du jour, on parle beaucoup du Galaxy Note 7. Il est retiré de la vente, carrément, Aurore. Mais oui, et ça vaut mieux puisque le téléphone prend feu ou explose à cause d'une batterie défaillante. 35 cas ont déjà été recensés. C'est un petit peu bête pour un téléphone qui a quand même coûté 849 €. Ah ouais. Samsung avait remporté un franc succès cet été avec le téléphone en essayant de couper l'herbe sous le pied d'Apple qui allait présenter son iPhone 7. Mais voilà, donc, non seulement le modèle ne sera plus produit, mais en plus, une procédure de rappel va être mise en place. Ce n'est pas encore finalisé pour le moment. En attendant, Samsung demande aux vendeurs d'arrêter de vendre l'appareil et aux utilisateurs d'arrêter de l'utiliser. Et carrément. Ah oui, ils disent carrément, si vous en avez un, éteignez-le. Ah oui, non, carrément. Ah oui, ça fout un peu les boules. Mais oui. Alors au lieu de vouloir devancer Apple, ils auraient peut-être dû travailler un petit peu plus longtemps dessus. Justement, les spécialistes disent qu'ils ont voulu lancer le truc tellement tôt qu'ils n'ont pas testé tout ce qu'il fallait. Voilà. J'ai l'impression qu'il va y avoir des licenciements, moi, chez Samsung. Il y a des têtes qui vont tomber. Dans le journal Le Soir, aujourd'hui, il y a une info surprenante. On retrouve un gaz radioactif dans de nombreuses maisons. Oui, c'est le radon. C'est un gaz naturellement radioactif présent en sous-sol et qui remonte parfois dans les maisons sans qu'on s'en aperçoive puisqu'il est invisible et inodore. Le souci, c'est que ça cause des cancers du poumon notamment. C'est d'ailleurs la deuxième cause du cancer du poumon juste après le tabac. Et ce n'est pas un phénomène pris à la légère puisque la FCN, donc l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est en train de mener une campagne de sensibilisation. On estime que 36 000 habitations dépassent les taux acceptable de radon. Ce gaz est plus présent dans les zones géologiques de roches chiteuses comme... Chiteuse, c'est pas la même chose. Il y avait trop de S et de C dans ce mot. Chiteuse, comme dans les Ardennes. Oh là là. Mais les autres régions sont aussi concernées. Alors pour vérifier si l'habitation est concernée, eh bien il suffit d'y placer durant 2 mois un petit capteur. Ça coûte 20 euros. Si le test se révèle positif, le laboratoire du Hainaut Vigilance Santé vous donne des conseils gratuitement pour rétablir la situation. Alors pourquoi un laboratoire du Hainaut? Parce que c'est le seul qui peut le faire en Belgique. Et si il vous donne des petits conseils, ce sont des conseils qui ne coûtent pas cher. En plus, il suffit souvent de colmater avec un peu de silicone et ça fonctionne. Et je ne suis pas hypochondriaque, mais si quand même un petit peu, tu viens de me foutre les boules. Là, eh ben, soyez bien attentifs à ces campagnes de sensibilisation, comme ça vous aurez tous les détails. Il y a 81 communes qui sont des zones un peu plus sensibles. Ah ouais, quand même. Dans le soir, toujours, on apprend que c'est une mauvaise année pour les amateurs de champignons. Oui, la cause à quoi? La météo. Il a fait trop sec cet été. Et d'ailleurs, l'association des mycologues francophones de Belgique a organisé une exposition ce week-end et ils ont pu montrer 220 espèces, alors qu'il y a 15 ans, ça variait entre 450 et 600. D'année en année, il y a de moins en moins de champignons. C'est le cas pour les chanterelles qui deviennent très rares. Les spécialistes aimeraient d'ailleurs qu'on établisse une liste rouge des champignons à ne pas récolter, non seulement pour qu'on puisse par la suite continuer à avoir des champignons qu'on pourrait manger dans notre assiette, mais aussi parce que 90% des espèces végétales vivent en symbiose avec des champignons et donc ça a vraiment un intérêt pour l'écosystème. Voilà. Mais donc si vous allez à la cueillette aux champignons cette année-ci, vous ne trouverez pas grand-chose. Mais là, on a la musique d'un champignon, mais ce n'est pas pour manger ce champignon-là, c'est des champignons qui font rire, si ouais. Tu les respires un peu trop fort ou si tu les fumes. Pas bien, évidemment. C'était dans le journal de la conso. Une pause, Lady Gaga, et puis une paella. Quoique, il y a du rififi autour de la paella. Ah, et pas qu'un peu, hein. Avec ou sans chorizo, la paella? Avec. C'est important. Bah non, avec. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vous avez entendu parler de Monde Positif? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. MondePositif.be. Saviez-vous qu'un tram de la STIB, c'est 40 tonnes d'acier et une très longue distance de freinage? Alors, si vous traversez sans regarder, vous risquez de vous prendre dans la figure l'équivalent de 20 rhinocéros lancés à toute vitesse! Et ça peut faire très mal. Soyez donc toujours très vigilants. Le tram a toujours priorité. Un message de la STIB. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pense. Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Dis, ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Bon, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleurs frites du monde aussi, hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Et pour le houblon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui. Ça, c'est beaucoup pour moi, hein? Ouais, mais tu rentres en métro, hein? Ah ouais, ouais. Dis, le salon de l'alimentation. Ouais. Même si tu y passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. Trying to keep control, pressure's taking its toll, stuck in the middle. Too real to be wrong. Avec Perfect Illusion. On n'est pas des pigeons. Hey. Chouette, hein? Ah ouais. Alors, vu la chanson, je présume qu'on parle de paella. Eh oui, la paella qui est donc au centre d'un véritable scandale en Espagne. Les mots utilisés, ben c'est pas rien. Hein. Certains parlent carrément d'un attentat culinaire, d'autres d'une paella gate. Ces dires sont touchent vraiment quelque chose de fondamental pour les Espagnols. Il a démarré comment ce scandale ? Alors tout part d'une recette de paella qui est diffusée par le célèbre chef anglais Jamie Oliver. Parce que dans sa recette de ce plat typiquement espagnol, qu'est-ce qu'il met ? Entre autres, il met du chorizo. Et là, ça a déclenché une véritable tempête chez les Espagnols. Je vous donne deux exemples de réactions qu'on en a trouvées sur la toile. Premier exemple, enlève le chorizo, nous ne négocions pas avec des terroristes. Premier avertissement. Voilà. Hey, c'est du lourd. C'est sérieux. Deuxième exemple sur la toile, dans ma version du fish and chips, je mets des aubergines et du canard. C'est beaucoup plus drôle. Et l'affaire ne s'arrête même pas là, puisqu'il y a une pétition qui a été lancée et qui s'appelle... Pas de chorizo dans ma paella. Mais c'est pas la première fois qu'une recette traditionnelle suscite de telles foudres, quand même. Non, vous vous souvenez l'année dernière, la carbonara gate, on l'a appelée celle-là, c'était en avril. Et là, comment ça a commencé ? C'est un site français qui publie une recette du carbonara où, en fait, le plat est réalisé dans un seul récipient. Donc, c'est ces fameuses recettes dont on a déjà parlé ici, les one pot. Donc, dans une seule casserole, on mettait des oignons, des lardons, des farfales et d'une marque italienne bien connue. Après 15 minutes de cuisson, on ajoutait de la crème fraîche, un œuf cru, du parmesan et du poivre. Et là, alors là, je veux bien... Alors d'accord pour ça, mais ici, le problème, il est où ? Malheureux. Mais il n'y a pas de crème fraîche dans le carbonara. Moi, je mets de la crème fraîche dans le carbonara. Jamais de la vie, vous êtes fous. Vous. Oh, ça va. Voilà, oh, vous allez vous faire lyncher. Il y a des antécédentes. Des antécédentes et je vais demander d'ailleurs à Aurore et à la place des lardons, mais quoi normalement ? Le guanciale, c'est les joues de porc. Bon, alors ça, c'est pour les ingrédients. Hein, donc il faut normalement utiliser les bons ingrédients. Mais surtout, l'autre problème, c'était surtout la façon dont on faisait ce carbonara. Hein, parce qu'un carbonara dans un watt pot, tout dans la même casserole, bon, franchement, j'admets, c'est pas l'idéal. Virulente aussi sur le carbonara ? Ah, ça vous n'imaginez pas. Une vidéo a été publiée, elle a largement dépassé le million de visiteurs. Et cette vidéo s'appelait « 5 minutes de silence pour la mort de la carbonara en France ». Vous devez leur pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Et des internautes ont même demandé au chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, d'intervenir auprès de François Hollande. Ils sont susceptibles hein, dans le monde de la cuisine. En tout cas, dans certains pays, je crois, plus que dans d'autres. On est très à cheval sur les traditions. L'année dernière, un grand chef italien a révélé son secret des spaghettis à la matriciana. Il a dit « Moi, je mets une gousse d'ail non épluchée ». Mais ça, c'est pas la recette ancestrale. Il n'y a pas cette gousse d'ail. D'où, réaction de la ville d'Amatrice, il peut mettre de l'ail dans sa recette, mais alors, il ne peut pas l'appeler Amatriciana. Et les spécialistes, ils disent quoi ? Bah, j'ai posé la question à qui, d'après vous ? Non, bah, Carlo. Eh bien, oui, à Carlo, italien en plus. Alors, lui, franchement, par exemple, par rapport à la paella, il dit, moi, ça ne me choque pas qu'on mette du chorizo. Par contre, le carbonara, je ne sais pas si c'est parce qu'il est italien, là, il était beaucoup plus choqué, mais pas par rapport aux ingrédients, c'était surtout un problème de méthode, hein, la cuisson. Mais c'est vrai qu'il y a certains pays qui sont certainement beaucoup plus attachés que d'autres à leur tradition culinaire. C'est notamment le cas de l'Italie. Carlo me disait, en Italie, on peut s'engueuler autour de la table par rapport à une recette, hein. C'est pas le cas de la Belgique. Il n'y a pas encore eu chez nous de carbonara gay ou de frites gay, par exemple. Non. Je m'en fous, je mange du gratin dauphinois, moi, ce soir. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre gratin ? Gratin, du patate. Des pommes de terre. De la crème. Et frotter l'ail. Évidemment. Frotter le plat avec de l'ail. Du lait. Ouais. Du lait, oui. De la noix de muscade. Allez, mais il y en a plein qui mettent du fromage. Gratin. C'est pour gratin. Oui, il n'y a pas de fromage dans le gratin dauphinois. Vous êtes prévenu. Comment tu fais gratiner? Sinon, vous le mettez comme ça dans le. Et puis les pommes de terre vont colorer. Donc si vous ne voulez pas vous mettre à dos les habitants du Dauphiné, je vous préviens, pas de fromage. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hubert. Mais pour en revenir à la paella, chorizo ou chorizo, c'est bon, moi j'aime bon, bien des petites bon. Moules, des petits coquillages dedans et du poisson aussi. Oui, mais ça, ils acceptent. En fait, même si c'est vraiment au point de départ, on dit que normalement, il n'y avait que poulet, lapin. Mais c'est. Cet ingrédient-là qui les a vraiment J'étais choqués. Le lendemain d'un barbecue, il y a quelques étés, chez des amis, et les restes du barbecue, tu sais, tu les découvres en rondelles, il y a de la saucisse, il y a un peu de tout, tu fais du riz, tu mets, c'est quoi pour qu'il soit jaune, c'est du safran Du safran. Eh bien, c'était une paella ardennaise, c'était super bon. Revisitons la paella, Aurore. Eh bien, sur Facebook, vous êtes plusieurs à réagir. Hein. Alors, Chris nous dit qu'à Valence... La région d'origine de la paella, on ne met que du poulet et ou du lapin. Pas de poisson, ni de crevettes, ni autre calmar. Et puis Patrick nous dit qu'historiquement, la paella n'a pas vraiment de recette propre, étant donné qu'à l'origine, elle servait à recycler les restes de viande auxquels on ajoutait du riz et des épices pour en faire un plat. Donc par définition, elle a des milliers de recettes différentes qui correspondent au reste des milliers de familles qui la faisaient. Et ben voilà, au moins là, il met tout le monde d'accord. Mais continuez à nous donner les recettes sur la page Facebook, puisque c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. On marque une pause. Et puis nous irons dans les bois, nous promener dans les bois, et on va pas revenir les mains vides parce qu'on va prendre quelques bûches pour quelques le chauffage. Bûches parce que voilà l'hiver. Et ça, n'exagérons pas, mais c'est vrai que ça caille quand même un petit peu dehors. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Ce message s'adresse à vous. Qui gardait de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Quadrus October Days, Action Carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Wavre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue. 736 74 36. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, l'année de la diversité à Bruxelles. Et les Mix City Awards viendront récompenser les meilleures initiatives bruxelloises dans le domaine de la culture, l'événementiel, l'éducation et les sports. Plus d'infos sur mixcity.brussels. Inscription avant le 31 octobre. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. » Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris. Et mon bateau aussi. Il est fier mon navire. Il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts. Attention Hubert, tu vas dire ICO. ICO. Voilà, Renault avec Dès que le vent soufflera. C'était en 1983. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. C'est pas l'homme qui prend la forêt. C'est la forêt qui prend l'homme, Hubert. Vous avez mis votre petite chemise de bûcheron canadien, je parie. Mise à carreau, du Québec. C'est vrai en plus. Est-ce qu'il faut parler comme ça? Et donc, boîte chauffage au programme. Et avouez, Sébastien, vous faites un feu de bois. Oui. Et il y a de l'ambiance, c'est la fête. C'est vrai. Alors vous imaginez la fiesta il y a peut-être un million d'années, quand les premiers hommes des cavernes vêtus de peau de bête... Quand ils ont trouvé le feu, une branche, il y a eu un coup de foudre, une branche avec du feu, c'était extraordinaire. Ouais, ouais. Il leur a fallu encore des années pour découvrir comment faire le feu eux-mêmes. Et puis après, ils ont pu enlever leur peau de bête. Et c'était l'invention du nudisme. Non, il n'y a rien à dire, hein, des bûches qui se consument dans une cheminée. C'est super romantique. Oui, c'est évidemment que c'est romantique, mais question rendement, c'est un peu nul, hein, à peine 10% de rendement. Ah ouais, ça c'est pas terrible, pourtant c'est ce qu'on utilise depuis des siècles. Hein. Oui, alors que le rendement c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'une bonne combustion évite l'émission de substances toxiques. Aujourd'hui, les appareils modernes sont hyper performants. Les inserts, par exemple, rendement 40 à 80%. Les poêles à bûche, 70 à 80%. À plaquette ou à pellet, 70 à 90%. C'est un peu autre chose que 10%. Je suppose aussi qu'il y a la qualité du combustible utilisé qui joue. Bon, évidemment, là maintenant, je ne vais parler que des bûches. Hein. Je ne vais pas parler des pellets ni des plaquettes. Car c'est encore la manière de brûler le bois de chauffage qui est le plus répandu. D'abord, c'est très important... utiliser du bois le plus sec possible. Parce que vous savez que quand on coupe fraîchement du bois, il peut contenir jusqu'à 75% d'eau. Donc, ah bon ? Ce qui veut dire qu'il va mal brûler, ouais. Il va mal consommer, il va polluer beaucoup et va provoquer la formation de goudron dans la cheminée. Alors, évidemment, si vous l'achetez très sec, il sera peut-être un peu plus cher. Vous pouvez l'acheter moins sec, mais alors il faut absolument le faire sécher, bien le ventiler, au moins minimum un an. Oui, le goudron dans la cheminée, c'est aussi le problème avec les bois résineux, genre les sapins. Oui, tout à fait. Le problème des bois résineux, les épicéas, sapins, cèdres, cyprès, mélèzes, c'est à la fois la présence de résine, vous savez, quand vous les touchez, ça colle parfois. Ça colle, parfois, hein, ouais. C'est, ben, ça colle longtemps, la résine, qui encrase vraiment très rapidement les conduits et les appareils de chauffage, et puis leur densité aussi, qui est plus faible que celle du bon bois feuillu. C'est le chêne, hein, le meilleur bois de chauffage. Théoriquement, c'est ce qu'on dit, c'est un très bon bois, mais il est quand même devancé par le charme, qui est beaucoup plus dense. Alors, les bois les plus performants par ordre décroissant, donc le charme, les différents chênes, les frênes, les érables, les ormes, les bouleaux de montagne, le hêtre et enfin l'olivier. C'est tout, il n'y a pas d'autre essence intéressante pour mettre dans le feu ? Oui, bien sûr. Bon, on fait feu de tout bois, hein, dit-on. Mais elles sont peut-être un peu moins performantes. Le châtaignier, le robinier ou le faux acacia, les fruitiers. Les moins performants, par contre, je l'ai dit, les résineux, les tilleuls, les noyers, les aunes, les saules et les peupliers. Le palatane, c'est pas terrible non plus. Alors, attention au châtaignier, parce qu'il brûle bien, mais c'est un bois qui pète. Vous entendez ça dans l'âtre ? Oui, le crépitement. Il fait plus que crépiter. Il pète et il envoie vraiment des braises, des escarbilles qui peuvent abîmer le tapis de sol. Faites attention. Et c'est pas facile de connaître tout ça. Avant d'acheter du bois, il faut se renseigner près d'un vrai professionnel, je présume. Oui, mais encore, il faut le trouver. Hein, parce que la connaissance des bois, c'est pas mal perdu avec la modernité. Et certains en profitent pour vous vendre un peu de n'importe quoi. Alors, il y a une question de fond que chacun doit se poser avant de choisir le bois qu'il va acheter. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Acheter un bois peut-être pas hyper performant, mais juste à côté de chez soi, et vous n'aurez pas le transport à payer, ou bien acheter un bois vraiment performant, mais aller le chercher très loin et payer le transport en plus. C'est à vous de faire le calcul. On en reparle ce soir de toute manière à la télé à partir de 18h30, mais on retient que c'est le chêne le mieux, hein. Fort comme un chêne. Ne dit-on pas fort comme un chêne? Oui, le chêne et le roseau. Quoi aussi. Non, le chêne. C'est une fable. C'est une fable. Ah, d'accord, oui, d'accord. Je ne suis pas non plus au fait de toute l'actualité des fables qui sortent, hein, moi. Non, il en a fait tellement, lui. Bon, voilà. Bon, un peu de musique? Oui, un peu de musique. Et cette musique, elle est bien sympa avec ce groupe LP sur Vivacité, le titre Lost on You. Restez avec nous si vous voulez être informé, il y a les infos de midi qui arrivent. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. LP est composé d'une seule personne, donc ça n'est pas un groupe. C'est les initiales de cette chanteuse italo-américaine, Laura Pergolizzi. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci Wikipédia. Allez, il y a les infos qui arrivent. Les pépinières Saint-Jean ? Mais oui, à Vonze, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah, les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Tout d'abord, cette alerte à la bombe à Molenbeek en région bruxelloise. L'école communale numéro 9 a été évacuée vers 10h ce matin suite à un appel anonyme. Les enfants de la crèche des primaires et des maternelles également ont été évacués. Plusieurs centaines d'enfants sont concernés. Ils ont été transférés dans le parc Marie-Josée. Un chien pisteur est sur place et détecte d'éventuels explosifs. La police ne veut prendre aucun risque. Pas de déclaration de politique générale cet après-midi à la Chambre, mais l'opposition réclame la présence du Premier ministre Charles Michel pour qu'il vienne s'expliquer à la tribune sur la crise que traverse son gouvernement. Les discussions budgétaires et de réforme du fédéral sont dans l'impasse. Le CDNV Chris Peters a claqué la porte hier soir, fâché que sa proposition de taxation sur les plus-values d'action ne soit pas prise en compte. Dans l'opposition, le PS estime que le gouvernement est en crise et que Charles Michel doit apporter des explications. Écoutez le président du Parti Socialiste, Elio Di Rupo. Je ne conteste pas le fait qu'on postpose. Je dis simplement qu'on annonce une date et puis on ne la tient pas, c'est qu'il y a des difficultés. Mais encore une fois, la difficulté péripétie ou structurelle, nous verrons. Ce qui m'importe le plus, ce sont les mauvaises mesures. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que fait le MR dans cet attelage ? On voit les néerlandophones se chamailler avec des propositions diverses. Comment le MR défend les francophones bruxellois ou wallons au sein du gouvernement à un moment aussi critique qu'un contrôle budgétaire ? Et pourquoi allons-nous utiliser des économies, faire des économies dans les soins de santé. Elio Di Rupo avec Vinciane Vautron, déclaration de politique postposée. La rentrée parlementaire est toutefois bien prévue à partir de 14h15. Une conférence des présidents, soit les chefs de file des partis, aura lieu juste avant. Une action devant le Parlement européen ce midi dans le cadre de la Journée internationale des filles. L'ONG Plan Belgique souhaite attirer l'attention sur les mariages précoces. Avant 18 ans, c'est trop jeune selon l'ONG. Cela freine l'accès à l'éducation. Dans le monde, 18 millions de fillettes sont victimes de mariages forcés. L'annonce choc, Samsung arrête les frais avec le Galaxy Note 7. Le groupe coréen annonce la fin définitive de la commercialisation de son smartphone dernier cri. La batterie du Galaxy Note 7 présente un risque d'explosion. Haïti confronté à l'urgence sanitaire, une nouvelle urgence sanitaire. Une semaine après le passage de l'ouragan Matthew sur l'île, plus d'1,5 million de personnes attendent de l'aide. L'arrivée des secours s'organise très difficilement. Les Haïtiens démunis se ruent sur le peu de convois humanitaires qui passent à Jérémy dans le sud-ouest de l'île. Le reportage de Grégoire Lecalo pour Radio France. Un champ de ruines, des rues défoncées, à moitié bouchées par des piles de détritus, les toits des maisons effondrés. Sur les hauteurs, c'est un chaos de troncs d'arbres cassés, emmêlés. Hier soir, le réseau d'eau a tout simplement été coupé. Au milieu de cette vision de l'enfer, la population de Jérémy doit vivre un quotidien inimaginable. L'aide alimentaire commence tout juste à arriver en masse et les distributions, encore peu nombreuses, créent des tensions. fin de journée, le bruit se répand. Il y en a une sur la route de l'aéroport. Alors, plus bas, en centre-ville, une centaine d'habitants s'estiment laissés pour compte. Furieux, ils dressent un barrage routier. Nous, en colère, en pile, n'a révolté. On est en colère, on est révolté. On veut des résultats. On manifeste parce qu'on est sinistré. On a tout perdu pendant le passage de Mathieu et nous avons compris que nous sommes tout seuls. On a besoin de tôle, on a besoin de choses à manger et on a besoin d'eau potable. Le barrage sera finalement levé pour permettre le passage d'une ambulance. C'est au moins la seconde manifestation comme celle-ci. L'ambiance est d'autant plus tendue que derrière la pénurie, la situation sanitaire se dégrade et une possible épidémie de choléra menace le département de Grand'Anse. Grégoire Lecalot pour Radio France. En tennis, David Goffin s'est qualifié ce matin pour le deuxième tour du tournoi de Shanghai en 3-7 face à l'Argentin Juan Martín del Potro, 4-6-6-3-7-5 et près de 2h20 de jeu. Son prochain adversaire, le Français Benoît Paire. Après BFM Mobile Info, Caroline Gillet, un incident à Bruxelles. Exactement, et suite à cet incident, les tunnels Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du centre. C'est la seule information dont nous disposons à l'heure actuelle. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Excellent temps de midi à l'écoute de Vivacité, dont n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvo. Merci David, bel après-midi. Maintenant chez Ici Paris XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisxl.be. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Comment bien choisir son rasoir? Voilà une question qui va nous intéresser pendant les prochaines minutes. Vous faites comment vous... Ah ben non, pardon. C'est Cyril qui viendra nous dire comment bien choisir. Mais en même temps, il a de la barbe, il est mal rasé. Est-ce qu'on a bien choisi la bonne personne pour bien choisir les rasoirs? C'est pas, on verra pas ça dans sûr, un instant. Ouais. On va téléphoner à Yolande qui a reçu la visite d'un délégué commercial qu'il a laissé un petit peu songeuse, Annie. Oui, bah c'est une déléguée, elle est restée 4h30 pour lui vendre, essayer de lui fourguer un aspirateur qui assainit l'air et qui dépoussière votre matelas. Mais écoutez, combien cet aspirateur? Oh, cher, 3000 euros, ça va. Ah ouais, bon. Alors il enlève les poussières, il peut le carrelage avec. Et donc elle est restée très longtemps, mais on entendra que la démonstration par contre a été extrêmement brève. On va s'intéresser aussi au champagne aujourd'hui, les vendanges, ont-elles été bonnes? Oui, on se pose cette question parce qu'à Bruxelles aujourd'hui, il y a le directeur de communication du comité champagne, alors on s'est dit, il faut qu'on en parle. Hein. D'office, on n'oublie pas la question sur la page Facebook. Oui, on vous demandait suite à ce scandale de la paella dans laquelle Jamie Oliver, le chef britannique, met du chorizo. On vous demande si vous êtes un adepte des modifications de recettes ou si au contraire vous préférez les conserver telles quelles, notamment les recettes belges. Alors, petit commentaire d'Eric. Depuis que j'ai vu des touristes espagnols tremper leurs frites dans leur verre de coca à une terrasse sur la place de Mons, alors là, plus rien ne me choque. Là, je peux y mettre mes blindes de saucissons dans leur paella. Hein. Après ça, effectivement, plus rien ne... Vengeance. Vengeance totale. Côté musique, il y aura Môme. Et côté souvenir, Daniel Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je ne sais pas, moi. Vous avez une idée, les filles? Wow. C'est foutu. Oh bah dis donc. Non, moi j'ai quelques idées, vous savez. Ben voilà, et ben on voit quelqu'un qui est marié depuis très longtemps, qui est complètement pessimiste et puis l'autre. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est jusque 13h. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères. c'est dur. Je confesse, pas je vais m'en sortir. Je l'adresse, toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Capéo sur Vivacité, reste un homme debout. Si on faisait un petit détour par l'Espagne, on a une musique qui fait penser à l'Espagne. Ah ouais, tu te rappelles de ça? Les Charlots font l'Espagne, écoute. Adios Paris et les usinas. Adios les rues amoudelianas. On vous met ça parce qu'on va parler de paella sur la page Facebook, mais on va aller jusqu'au refrain parce que le refrain j'aime bien. Au pays des tintins. Je crois que ça peut être très loin le refrain en fait, je m'en rends compte. Oui, c'est ça. On va peut-être lire les commentaires sur la paella. On va laisser la musique en fond. Oui, bon, bien allez, sûr. Vas-y. Donc on vous demandait sur la page Facebook s'il faut préserver la recette de la paella et ne pas ajouter de chorizo dedans comme le fait le chef Jamie Oliver. Alors on a les pistes. Attention, attention, attention, c'est le refrain. Espagne. Je suis content, tu peux passer à la suite. Alors, donc, dans le camp des puristes, Bernard, quand elles sont diffusées publiquement, toutes les recettes doivent être respectées. Néanmoins, chez soi, et si c'est votre goût, rien ne vous empêche de mettre du chorizo, du poulet, etc. Mais chez et pour vous, pas en la publiant au vu de tous. Ah ça, ouais, c'était le puriste. Ça doit rester après, secret. Paul nous dit, la nourriture, c'est comme la musique, source d'inspiration gustative et moment privilégié de partage. Angélique, chacun fait ce qu'il veut chez soi. On va quand même pas inventer la police des plats spécialisés. Qu'il se scandalise des paellas dégueu qu'on vend au magasin. Noémie nous écrit, mais si personne n'avait jamais rien essayé en cuisine, les livres de recettes comporteraient tous une seule page, la page de garde. C'est pas mal ça. Oui, hein. Jean-Paul, mes recettes varient en fonction de mon frigo, le reste n'est que littérature. Marianne, on fait chacun sa cuisine sans suivre des recettes à la lettre, autrement, où serait le plaisir, tout serait uniformisé. Ricardo, c'est la même chose quand les Belges mettent ou mettaient du ketchup sur des pâtes. Ah ouais, ça mais, se c'est, fait. Mais, oui, mais c'est ce bon. À quoi Laetitia répond, c'est un petit peu comme la sauce cocktail sur les frites. C'est un scandale, mais on ne va pas en faire toute une histoire. J'ai vu passer hier sur Facebook, je me suis dit, je veux savoir où ils cuisinent ça. C'était, tu vois, les fricadelles et les boulettes de friterie, hein, avec de la sauce au maroilles dessus. Je me suis dit, mais ça, c'est inventif. Ça, ah, il faut, oui. Ça, il faut goûter. Il faut qu'on découvre. Il y a d'autres choses sur Facebook. Mais oui, Berkovitch nous dit, c'est comme beaucoup de Belges. Comme beaucoup de Belges, je mange mes spaghettis avec ma cuillère. J'espère que ça ne va pas faire un scandale en Italie. Erwin, il faut le voir comme une interprétation personnelle d'un plat. Si c'est pour suivre une recette à la lettre, faites-le chez vous. Pas besoin d'un chef pour ça. Voilà vos avis sur ce scandale à la base de la Paella Gate. Oh, j'arrive jamais à le dire. Paella Gate. Il en pense quoi, Cyril, qui vient de nous dire? Bah, qu'il faut la goûter. Plutôt que d'en parler, mangeons-la, cette paella. Mais elle ouais, est où avec du chorizo. Cyril, dans un instant, on va choisir son rasoir. En même temps, quand je vois quelqu'un qui a de la barbe... Qui j'ai entendu ta moquerie dans la voiture. Oh, mais non, je me suis... J'ai pas... entendu, mais c'est jamais. Pas un barbu qui va nous c'est... dire comment se raser. Mais non, c'était pas vivacité, t'écoutais autre chose. Je suis désolé, c'était pas nous, parce que non. Mais monsieur, c'est de la barbe taillée, ça. Ah, et pour tailler, il faut du bon rasoir. Ah, voilà. Mais c'était pas moi. Je me suis dit, non, c'est pas moi. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone.

things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is Tabang sur Viva avec The Reason. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Je crois que j'ai un problème de dyslexie, j'ai dit Oustabang, alors c'est Oubastang, enfin, c'était toutes les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. De toute façon, ils font plus rien, on s'en fout. Voilà, ça c'est aussi, ça c'est dit. Cyril ? Oui, tous à poil à midi 20. Ben, c'est tôt quand même. Oui, et surtout qu'il fait un peu frais dehors. Ils ont vraiment des problèmes. On va parler de poils et de les enlever sur le visage. Vous savez ce que c'est, Sébastien ? Et vous les. Non, plus. Non, allez, non. Hein. Parfois. Ouais, ouais, ouais. Il est méchant. On ne donnera pas de nom. Mais de temps en temps. Il y en a qui piquent. Effectivement. Bon, c'est vrai qu'on sait ce que c'est embêtant. Ouais, c'est super embêtant. Et alors, il y a le premier problème quand on se retrouve dans le rayon avec les rasoirs, c'est déjà savoir quel rasoir choisir pour avoir une belle peau bien douce ou alors une barbe bien taillée. Vous utilisez quoi, vous, Sébastien ? J'ai un rasoir électrique pour tailler. Ouais. Et puis j'ai une lame, des trucs jetables en fait. Des trucs jetables, justement, ouais. Parce qu'on a le choix. Alors, si on prend les rasoirs juste manuels, parce que si on est en électrique, il y a 12 000 possibilités aussi. On reste dans le monde. On parlait de paella tout à l'heure, on reste en Espagne. Hein. Manuel. Oh là là, okay. C'est triste. Donc on a le jetable, on a du 3, 4, 5, 6 lames même, oui, qui existent maintenant. Il y a du rotatif qui épouse la peau, tout ça. Le donc, truc 6 lames, là, genre la première lame passe, alors le poil il croit que la lame est passée et puis clac pour la suivante. C'est impressionnant. Il y a des ingénieurs. On s'arrêtait où aussi et, mais oui, mais bah, 17 lames. Le rasoir 17 lames. Aussi grand qu'un iPhone. Et pour, alors comment on fait pour choisir ? Parce que c'est pas plus facile. Plus il y a de lames, mieux c'est ou pas ? Bah alors on pourrait se dire ça en disant bah, je passe une fois 6 lames, c'est génial. Ça a tout coupé. Sauf qu'il y a un problème avec un rasoir 6 lames, c'est comme si vous passiez 6 fois une lame sur votre peau, donc risque d'irritation. Ah oui. Et alors, ça va couper super fort, puisqu'on a tendance à appuyer un petit peu, donc la première lame, elle va couper bien, la deuxième aussi. Oui. Mais quand on arrive à la sixième, elle est à la limite d'aller à l'intérieur presque de votre peau, c'est-à-dire que comme vous appuyez, ça fait ressortir le poil, et là, vous allez couper vraiment trop court. Qu'est-ce et qui va se passer ? Le modèle au-dessus, c'est l'épluche pomme de terre. C'est ça, oui, oui, oui. Celui-là, il prend un peu de peau avec, c'est gênant. Non, mais alors, quand on coupe trop court, qu'est-ce qui se passe ? Ça risque de repousser à l'intérieur de la peau. Ah. Les poils incarnés. Ah, et ça, il paraît, jamais eu, mais il paraît que ça fait super mal. Ah oui, non, ça. Moi, 4 lames, tiens, j'étais en train de compter 4 lames, mes rasoirs et toi ? Ben, une lame. François ? Rasoir ? Ah, pas de rasoir. Rasoir. En fait, on a tous marre de choisir, il y a trop de choix, donc on ne se rase plus. Pourtant, dans la pub, on voit tout le temps, on nous vend un rasage de rêve. Hein, dans la pub. Bah, exactement, on a l'impression que ça glisse tout seul, que c'est hyper facile à faire. Or, qui s'est déjà rasé une fois, c'est que c'est jamais un plaisir, a priori. Il y a toujours une petite douleur, un truc qui n'est pas très agréable. Alors, ce soir, justement, vous verrez Jean-Christophe Willems à la télé. Tu te coupes en plus. Hein, oui, c'est le souci du rasoir. Et alors, déjà, moi, avec un rasoir électrique, je me suis coupé un jour avec un rasoir électrique. Donc, je te raconte pas. On a un champion. Vraiment pas doué. On a un champion dans le studio. Ah oui, vous verrez, ce soir, on a fait le test. Il y avait une pub qui est beaucoup passée cet été à la télé, où on voyait un rasoir qui était soi-disant aussi, plus efficace qu'un rasoir jetable, même au bout de 10 utilisations. D'accord. Ce soir, le test, vous le verrez à la télé, mais je peux déjà vous dire que la pub, on n'est pas loin d'un petit mensonge quand même. Parce qu'à l'utilisation, c'est pas aussi doux que ce que ça en a l'air à la télé. On se rase avec quoi alors ? Eh ben, alors, ça dépend de votre poil, en fait, pour tout vous dire, puisqu'on a tous des barbes différentes, il y a une dureté de poil qui n'est pas la même. Alors, vous aurez plus ou moins facile avec l'un ou l'autre rasoir. Si vous avez un poil crépu ou frisé, justement, là, on parlait des 6 lames tout à l'heure, évitez, parce que ça veut dire que votre poil, il va poussé de façon un peu aléatoire, un peu bizarre, il sera tordu. Donc il y a plus de chances encore qu'un poil normal d'être incarné sous la peau. Donc là, ce poil trop dur, frisé, tout ça, vous oubliez les multilames. D'accord. Alors il y a aussi le coût hein, qui peut guider le choix parce que ça coûte cher ces trucs. Eh ben alors c'est ça. Si on décortique, on a un rasage, un rasoir jetable qui coûte 27 centimes dans le commerce. Ouais. Il est utilisable une fois, donc 27 centimes le rasage. On parle juste de la lame ici du rasoir. Ils sont utilisables qu'une seule fois ? Enfin, je découvre. Hein. Alors, c'est l'idéal. C'est-à-dire que si vous utilisez un jetable plusieurs fois, ben, la lame, elle va s'user. Oui. Honnêtement, en brasant tous les jours avec, un jetable, je peux tenir une semaine. Bon. Ben, ça veut dire 7 fois sur un rasoir qui coûte alentours de 5-6 euros. Oui, 5-6 euros un rasoir comme ça. On verra d'ailleurs avec le gilet de fusion ProShield ce soir, le test sera fait à la télé. Mais donc celui-là, le gilet de fusion ProShield qu'on a vu à la télé cet été, 5,97 €, et vous pouvez l'utiliser 5 fois en moyenne pour que ça reste confortable. Jusqu'à 10 fois, si vraiment vous avez un poil qui se coupe assez facilement. Si vous divisez, vous faites le calcul, on arrive à peu près 60 centimes le rasage. D'accord. Donc on est 2 fois plus cher qu'un rasoir jetable, et on perd en confort. Donc l'idéal de la vie de plusieurs barbiers, c'est d'utiliser un rasoir de sécurité. C'est un rasoir dans lequel vous insérez une lame qui ne coûte vraiment pas très cher. Vous en trouvez à partir de 3,15 € sur Internet, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Ouais. Vous diminuez le coût de votre rasage et vous ne passez sur votre peau qu'une seule fois. Et c'est le rasoir qu'ils ont les barbiers en fait. Avec... Alors les barbiers ont tendance à utiliser un coupe-chou, c'est-à-dire que c'est comme si vous ouvriez des ciseaux. Ça c'est quand même dangereux. Le rasoir de sécurité, ça va être le même type de lame, sauf que a priori vous ne pouvez pas vous couper. Ah non, je me coupe avec un rasoir électrique donc. Eh ben défi ce soir. Ah non. Si ou maintenant si vous voulez, mais j'aurai un rasoir de sécurité et on verra s'il y a moyen de vous couper. Non, joue pas avec ça. Non, je tiens à ma vie. Non, sincèrement, avec les rasoirs de sécurité, je vous mets au défi de vous couper. C'est quasiment impossible puisque c'est pour ça que ça s'appelle rasoir de sécurité. C'est un investissement. Ça coûte 30 € le rasoir minimum au départ, mais derrière, les lames ne coûtent quasiment rien et vous pouvez les utiliser plusieurs fois ces lames-là à condition de bien les entretenir. Vous avez pris des notes, les filles ? Oui. Ah. Mais je savais pas que vous souffriez autant. Hein. C'est une horreur. Ah, vous vous plaignez épilation, mais nous, hein ? Les hommes souffrent autant que les femmes. On en reparle ce soir à la télé et vous verrez. La douleur, elle est parfois intense, c'est vrai. Je commence le livre par la fin. Et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas. Le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Avec le titre Christine, petit détour par la rédaction, les titres de l'info arrivent et on revient pour la dernière demi-heure juste après. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watio, chaussée de Namur à Nivelles, voire conditions en magasin. Et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir.

Est australienne, mais le groupe Mom, s'il faut appeler ça un groupe, c'est un disc jockey niçois, producteur qui se trouve derrière et qui, dans la mouvance, il y a beaucoup de trucs qui viennent du sud de la France qui ressemblent un peu à ça. Je pense à Kungs, je pense à Mom, et tout le monde s'en fout. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est bien de faire de la radio avec un tout petit public. C'est pas vrai, on ne s'en fout bah, pas. Arrête, tu t'en fous, tu regardais en l'air. Mais non, je t'écoutais. Mais non, tu regardais en l'air. Moi, j'ai retenu Môme, voilà. Ah, voilà. Mais Annie, on va appeler Yolande. Yolande, bonjour, vous êtes là ? Oui, je suis là, bonjour. Alors, mon anecdote, vous l'avez retenue ou vous vous en foutez aussi ? Je m'en fous. Voilà, je le savais, je le savais. Eh bien, Yolande, votre histoire... On s'en fout aussi. Non, vous avez reçu, on peut pas faire ça. Vous avez participé à un concours qui offrait un assainissement de l'air et 4 jours plus tard, vous avez reçu la visite d'une déléguée qui vous a proposé un appareil un peu bizarre qui purifie l'air justement et qui dépoussière le matelas. Elle est restée longtemps, oui. Cette brave dame. Elle est restée 4h30. Ah ouais, belle soirée ça. On a passé toute l'après-midi ensemble au soleil. Vous avez fait quoi pendant 4h30? On a papoté comme deux grandes amies. Super. Et eh bien, voilà, elle s'intéressait à ma vie, elle s'intéressait à mon environnement. Elle rentrait, je vais dire, bon, on parlait de plein de choses. Elle avait l'air de s'intéresser vraiment à tout ce qui m'intéressait. Voilà. Et elle a essayé de vous vendre un truc, forcément. Si elle est restée 4 heures, c'est pas pour rien. Bah, c'est-à-dire que, comme le temps passait et que je voyais qu'elle ne me parlait pas de ce qu'elle devait venir faire chez moi, bah, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bon, bah, si on commençait maintenant à parler un petit peu du concours, de ce que j'avais gagné. Oui. Et puis, bon, bah, là, elle a pris un aspirateur. Elle est allée chercher dans sa voiture un aspirateur qu'elle a déballé. Mmh. Et puis, bon, elle m'a montré un petit peu... c'était un aspirateur traîneau dans lequel on met de l'eau dans un petit réservoir. Mmh. Puis alors, elle m'a expliqué que c'était un appareil qui était fait avec du matériel anti-choc, Genre que c'est la NASA qui l'a fait, quoi. On se doute que c'est un truc super révolutionnaire. Voilà, mais et le prix de cet appareil qu'elle a voulu vous vendre? Eh bien, écoutez, dans l'ensemble, avec les deux appareils, c'était plus de 3000 euros. Ah oui, quand même. Et si j'achetais l'appareil, ben, automatiquement, il me faisait la ristourne du deuxième appareil qui coûtait plus de 300 euros. D'accord. Et qui était le balai qui, normalement, devait assainir mon matelas de poussière et des acariens. Tout ça au départ d'un concours, Annie. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et donc, il faut savoir que vous avez été au Salon des Seniors qui se tenait quelque part à Charleroi. Et donc, il y avait un concours. Et l'objectif du concours, c'était de gagner un assainissement de l'air. Et donc, le résultat, c'est quelqu'un qui se présente en vendant une sorte d'aspirateur, on va dire ça comme ça. Alors qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres. Voilà, hein. Qui purifie l'air de la pièce, mais qui dépoussière aussi le matelas. D'accord, voilà. Oui. Donc, on a bien compris ici que, ben, on vous a mis en confiance, mais la mise en confiance, hein, c'est comme dans le livre de la jungle, et confiance. Vous souvenez du serpent et confiance en moi. Et donc ici, ça dure très très longtemps. Puis finalement, il faut du temps pour qu'on sorte enfin, entre guillemets, l'appareil. Et la démonstration était très brève par rapport au temps passé chez vous, Yolande. Mais oui, je veux dire, allez, dans l'ensemble, l'entièreté de la démonstration dure à peine une demi-heure, quoi. Ah ouais, c'est, voilà, c'est donc, tout bout à bout. Voilà, oui. Alors nous, on ne se prononce pas ici, évidemment, sur la qualité de l'appareil, on ne sait absolument pas ce que c'est. Par contre, c'était sur la méthode commerciale qui était utilisée et qui est manifestement, c'est peut-être pas musclé, mais quand même, rester 4 heures chez quelqu'un... C'est un peu beaucoup, pour hein. essayer de lui vendre quelque chose et, à... Elle est repartie fâchée, parce que vous n'avez rien acheté. Est-ce qu'elle est repartie fâchée? Non, pas du tout. Ah bon, bon, elle a passé une après-midi sympa. Non, elle n'est pas repartie fâchée du tout. Non, non, ça s'est passé dans une bonne ambiance. Très bonne convivialité. Allez, cool. Bon, voilà. Oui, alors, qu'on peut dire j'ai fait des petites recherches, évidemment, et j'ai contacté la société. Il faut savoir que c'est un matériel de la marque ILA. Et ILA, c'est distribué en Belgique par une société qui se trouve à Gette, qui s'appelle Methodi Naturali. Voilà, alors la même adresse, ce que j'ai vérifié, des téléphones différents. Et donc... J'ai envoyé un mail, j'ai reçu, Yolande, une petite réponse de Ila. Alors on me dit d'abord, on s'excuse si on a donné une impression négative à Yolande. La maison mère de Ila se trouve en Allemagne. Nous avons des accords, nous ne pouvons et nous ne pourrons répondre à votre souhait de participer à votre émission. Donc on en prend acte. J'ai appelé ce matin avant l'émission, j'ai eu quelqu'un bien gentil qui me dit, mais moi je ne peux pas vous répondre et je ne peux pas non plus vous donner le téléphone du patron. Voilà. J'ai laissé un petit message sur le portable du managing director en Allemagne. Mm-hmm. Voilà, j'ai toujours pas de réponse. Et je vous ai dit qu'il y avait une société Methodi Naturali qui distribue Ila, qui a un autre numéro de téléphone qui se trouve aussi à Bruxelles. Moi, je vous propose peut-être d'essayer de joindre et peut-être de laisser un message. On peut faire ça si on nous répond. On si on pose des questions sur cet appareil. Hein. Parce que si plusieurs personnes se trouvent dans la même situation que Yolande... Bonjour. Oui, bonjour, Sébastien Nolveau. Vous êtes en direct sur Vivacité dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je me permets de vous déranger deux secondes, madame, parce qu'on a une auditrice, Yolande, qui a reçu la visite pendant 4 heures d'une démonstratrice pour parler de... Madame a coupé. Je crois qu'on est passé sous un tunnel, brièvement. Voilà, je crois qu'ils ont eu des méthodes de communication particulières. Assez particulières, mais bon, voilà, on va continuer notre petite enquête. Oui, parce que c'est bizarre ce qu'elle a derrière. Voilà, c'est bizarre. Donc, Yolande, ben voilà, vous avez bien fait d'abord de nous alerter, parce que on a bien compris que vous avez eu ça en allant vous promener au Salon des Seniors. Ça veut dire que d'autres personnes pourraient aussi ont été approchées. Voilà, ont été approchées, participer au concours et gagner. Et on sait et comment percevoir. Ça fonctionne. Hein. Voilà. On est souvent pendant 4 heures et on se laisse intimider, influencer voilà. Et on sort 3000 euros. Surtout ne pas se laisser faire. Et si jamais vous voulez des informations sur la vente à domicile, etc., un seul site, c'est bien connu, economie.fgov.be. Il y a un numéro de téléphone quand même, parce que ça existe encore le téléphone, 0800 120 33. Numéro gratuit. Est-ce qu'il y a des choses à retenir en tant que consommateur si on achète quelque chose à la maison? Est-ce qu'on a des droits de rétractation? Il y a des délais de rétractation qui sont passés maintenant à 14 jours. Donc, voilà. Si vous avez, par hasard, signé là, il y a le peu, vous avez 14 jours. Oui, mais voilà, il faut y penser, quoi, et pas simplement se dire 15 jours plus tard, ah zut, ça ne me plaît pas, etc. Je me suis fait, entre guillemets, attraper. Non, il faut réagir assez vite quand même. Et puis, si jamais vous êtes approché par des démonstratrices, démonstrateurs, gentils ou pas, dites-le nous. N'hésitez pas sur la page Facebook et on relayera ce genre de choses. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Soir Mag. Swarman présente Carnet de guerre. Une collection de 4 livres qui nous parle du personnage d'Hitler dans des contextes différents de ceux que l'on connaît. Pour que l'histoire ne se répète pas, cette semaine, la vie intime d'Hitler. Au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Salut, c'est Hip. Faites de fantastiques économies grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Achetez 2 livres, CD ou DVD et recevez... Bam ! Le troisième gratuit ! Faites vite, aujourd'hui c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Allô ? Oui, salut Max. Ah, salut Sophie. Bonjour madame, j'arrive tout de suite. Oh bah dis donc, t'as l'air occupée toi. Dis, quand est-ce qu'on mange ensemble tous les deux ? Oui, bonne idée. J'ai un créneau mardi 23h. 23h, c'est pas un petit peu tard ça ? Ah bah tu sais, ma boîte c'est passionnant, mais j'ai plus de temps pour moi. Jeudi 6h du mat. Et tu te reposes quand, Max ? Votre santé est importante pour vous et pour votre entreprise. Découvrez tous les conseils pour garder l'équilibre sur 7jourssanté.be. Dimanche minuit ? Max ! Avec le soutien de la COCOF. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, Beka, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Surtout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. On n'est pas des pigeons. Ouais, aujourd'hui on ouvre le champagne. Enfin, on fait semblant, ça c'est des bruitages made in Hollywood parce que du champagne on en a pas en studio. Isabelle, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le Belge aime le champagne ? Eh bien, visiblement, oui, hein, on aime tous le champagne, quelque part. Si on prend les chiffres de 2014, on a vu une progression de 2,3% du marché par rapport à l'année précédente. Et il faut quand même savoir que la Belgique est le troisième pays importateur de champagne en Europe. Donc c'est quand même qu'on aime ça. Évidemment, c'est encore et toujours une boisson qu'on réserve à certaines occasions. On n'en boit pas tous les jours. Alors, on aimerait bien. Mais... oui, mais c'est pas possible. Alors, si on parle de ce délicieux breuvage aujourd'hui, c'est parce que le directeur de communication du comité champagne est à Bruxelles aujourd'hui. Il est avec nous par téléphone. Thibault Lemayou, bonjour. Bonjour. Question toute simple, est-ce que les vendanges ont été bonnes cette année ? Elles se terminent, hein, grosso modo. Oui, elles se terminent. La vendange 2016 a été exceptionnelle sans doute en qualité. On le saura en dégustant les vins à partir de l'hiver, mais assez faible en quantité. La chance qu'on a en Champagne, c'est d'avoir une réserve de vins issus des récoltes précédentes qui vont nous permettre de réaliser des assemblages de plusieurs années qui vont être du coup cette année d'une grande complexité. Alors Champagne, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que c'est une appellation protégée. On ne peut pas s'appeler Champagne comme ça comme on veut. Tout à fait. On dit en Champagne qu'il n'est Champagne que de la Champagne, c'est-à-dire que Champagne est une appellation d'origine protégée délimitée géographiquement dans le nord-est de la France. Et tous les autres vins mousseux sont des vins mousseux, mais ne sont pas du champagne. Or, ces dernières années, on a vu quand même apparaître les cavas qu'on connaissait pas il y a 10-15 ans. Ça vous avait une grosse concurrence, ça ? En réalité, beaucoup d'autres vins effervescents sont apparus sur les différents marchés. Et l'explosion de ce marché-là en Belgique n'est pas propre au pays, puisque le champagne ne représente plus qu'une bouteille de vin mousseux sur 10 dans le monde. Donc, partout, on a vu des alternatives au champagne arrivé, d'autres vins mousseux qui ont créé une concurrence plutôt sur l'entrée de gamme, puisque en général ce sont des vins qui n'ont pas le même niveau de réglementation et d'exigence d'un point de vue production que la Champagne, qui est une des régions les plus réglementées dans le monde d'un point de vue production viticole, ce qui fait à la fois la qualité du champagne et explique en partie son prix. Et si je suis bien informée, depuis l'année dernière même, le champagne est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça sert à quelque chose, ça, d'être inscrit au patrimoine mondial ? Bien sûr, c'est une reconnaissance objective, scientifique et prestigieuse.

quitte les trans en douceur. Alors revient dans sa conscience la douleur au fond de lui sans cette peur immense de voir. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Cette question, il se l'est posée en 1986, il est parti trop tôt, il n'a jamais pu y répondre. Vous avez une réponse à Daniel Balavoine? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Mais vu non. La discussion enflammée qu'on a eue pendant le disque, non? Non, on n'a pas trouvé. Bon, tant pis. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison Blanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. Pas des pigeons. Vous le savez, chaque jour en fin d'émission, on jette un petit coup d'œil sur la page Facebook, on vous lit un coup de gueule, sauf qu'aujourd'hui on s'est dit tiens, il y a Jean-Pierre comme une blague. Et si on racontait la blague de Jean-Pierre? Mais oui, parce qu'en plus c'est en rapport avec l'histoire de l'aspirateur dont on parlait avec Yolande tout à l'heure. Un représentant en aspirateur écume les villages et compte bien faire signer le dernier bon de commande de son carnet. Il sonne à la porte d'une nouvelle construction et fait son cinéma comme à chaque fois. Il retourne un sac d'ordures dans le hall de l'habitation et s'exclame « Tout ce que mon aspirateur n'avalera pas, c'est moi qui le mangerai. » Et la propriétaire de lui répondre « Mettez-vous à table, ici on n'a pas encore le raccordement électrique. » Ah mais dis donc, il a de l'humour Jean-Pierre. Et vous racontez, gentil, vous racontez hein, super bien les blagues aussi. Oui, c'est, ma spécialité. Donc n'hésitez pas à abreuver Aurore en bonne blague hein, sur la page Facebook. Mais vous pouvez aussi mettre des bons plans aussi, des astuces, tout ce que vous voulez. Oui, vous avez jusque demain pour le faire sur la page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi le faire par mail. L'adresse est pigeons au pluriel @rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. La télé, c'est ce soir à partir de 18h30 sur La Une. C'est là qu'on va vous retrouver. Et La Vie du Bon Côté, c'est Sylvie Honoré qui prend le relais sur Vivacité. On parle de quoi, Sylvie, avec vous cet après-midi? On parle d'amour, bien sûr. Ouais, toujours. Vous parlez de Daniel Balavoine. Mais non, c'est marrant parce que je viens de faire le rapprochement. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'était le titre de Daniel Balavoine. Et bien, l'invité que je reçois, elle a écrit, mais on a déjà fait une émission là-dessus en 2012. Bonjour Marie-Luce Doche. Bonjour Sylvie. Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. Et à ce sujet, nous avons fait en effet une superbe émission sur l'objectif amoureux. Alors là, vous revenez avec un autre livre qui s'intitule Itinéraire d'une mission de vie. Et dans le chapitre 1, et ça va plaire aux auditeurs à mon avis qui vont témoigner à ce sujet, vous parlez de ces difficultés à répétition au-delà desquelles nous devons aller, bien sûr. Expérimenter des difficultés ou des erreurs à répétition, tel est le lot, dites-vous, de tout un chacun dans sa vie. Ça peut se produire et ça peut se reproduire tant que la personne n'a pas compris le message envoyé par les événements. Et là, on demande aux auditeurs s'ils n'ont jamais connu des périodes comme ça dans votre vie, où vous aviez le sentiment de ne pas sortir du cercle des échecs, ou en vous disant encore un et encore un et encore un. Vous pensiez que le ciel vous tombait sur la tête, que vous attiriez la malchance, que quelqu'un vous avait jeté le mauvais sort. Exemple, vous aviez trouvé le partenaire de votre vie, vous étiez heureux, tout semblait bien se passer. Ensuite, avec le temps, des difficultés de couple sont peut-être apparues. Après avoir tout tenté, vous vous êtes séparés. Et après quelques années de célibat, vous avez à nouveau rencontré le prince charmant. Vous vous dites, ça y est, cette fois, c'est plus la même histoire. Mais Bardaf, c'est absolument le même schéma d'histoire. Et c'est souvent comme ça, des événements à répétition que certaines personnes vivent sans trop savoir pourquoi. À un moment donné, il faut juste arrêter. Il faut juste dire, bon, maintenant, on fait le bilan, mais surtout, on n'en veut plus. Bon, vous allez parler de tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Itinéraire d'une mission de vie. Elle nous parle de sa mission à elle. Marie-Luce Doche, qui est formatrice, qui est coach aussi depuis de nombreuses années. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir pendant l'émission. Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Bonne journée à tous. Les éclaircies vont rester assez présentes cet après-midi et des nuages vont arriver par les frontières de l'Est. On attend de 9 à 13 degrés pour les maxima, vent faible de secteur nord-est. La nuit prochaine, le ciel va se couvrir davantage, toujours à partir de la Campine et de la frontière allemande. Demain, on retrouvera un ciel plus nuageux partout et le risque de quelques gouttes sera limité aux hauteurs liégeoises ou encore à la Campine, le nord-est du pays, on va dire. 8 à 12 degrés pour les températures maximales. Ce sera nuageux également jeudi et vendredi avec une hausse du mercure à l'approche du week-end. Bon début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Toujours pas de nouvelles réunions programmées pour les ministres du gouvernement Michel. Le blocage est complet. Les ministres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les réformes à engager pour boucler le budget. Charles Michel ne fera pas de déclaration de politique générale cet après-midi. Ira-t-il à la Chambre tout de même, comme le réclame l'opposition ? Bien malin qui peut le dire à l'heure actuelle. Les sacs poubelles bleus des Wallons pourraient changer de couleur et surtout voir leur contenu changer aussi. Dorénavant, on pourra y mettre beaucoup plus de choses.